Kanyangi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, appelle les organisations de la société civile à travailler selon leur objet d'agrément et dans le respect des droits de l'homme, appelant c'est depuis à la province, le chef-lieu de la province Muramvya. Dans cette édition, on vous parlera de l'éclairage public en mairie de Bujumbura. Et la chronique santé de ce mardi sera centrée sur l'abeillance cardiale avec le docteur Caritas Nahimana, gastro-entérologue. Vous l'entendrez dans cette édition, mise en onde par Alphonse Kougiman. Rebonjour, page sécurité. Pour débuter cette édition, une femme a été tuée par un policier selon l'administration locale le matin de ce mardi dans le quartier Guissio, en zone urbaine d'Okanyocha. Des sources recueillies sur place et confirmées par l'administration locale, ce serait lié à des conflits liés à la délimitation des parcelles qui auraient conduit à cet assassinat. L'administration locale appelle la population ayant des différends à saisir les autorités et de bannir à toute justice populaire les habitants de cette localité de Guissio en zone urbaine d'Okanyocha. Quant à eux, demande que l'auteur qui serait en cavale jusqu'ici soit traduit devant la justice et puni de façon exemplaire. Parlons éclairage en mairie de Bujumbura. Je venais de vous l'annoncer. La mesure d'éclairage public dans différents coins, notamment le boulevard de Luprona, c'est en mairie de Bujumbura, et différentes routes de cette ville, étaient bien accueillies par des habitants de cette capitale. Ils disent que les lampes placées au parking des bus à l'ancien marché central de Bujumbura a diminué les cas de banditisme. Ces habitants demandent que l'éclairage public soit effectif sur les routes principales de la mairie. Le point avec Jean-Marie Mayong. Il est 19h30 du soir. Nous sommes au parking des bus à l'ex-marché central de Bujumbura. Les personnes sont alignées, attendant les bus. Dans cette place, il y a l'éclairage et tout le monde se dit satisfait. Certains disent que cette mesure d'éclairer cet endroit est une bonne initiative, car les voleurs ou les malfaiteurs ne peuvent pas y arriver. Les clients montent dans les bus aisément, car personne ne bouscule l'autre. Tout le monde se voit bien, même les voleurs qui fouillaient dans les poches ne viennent plus à cause de cet éclairage. Ces habitants apprécient positivement cette initiative d'éclairage public qui a diminué les voleurs qui profitaient de l'obscurité dans cet endroit. Nous avons bien accueilli cette initiative en utilisant des torches. Nous, aujourd'hui, ça va bien. Que Dieu bénisse ceux qui ont pris l'initiative. Vers 20h, nous sommes dirigés au boulevard de Luprona où nous avons vu qu'une partie n'est pas éclairée jusqu'au Vana, mais à partir d'un bâtiment, la société de télécommunication Econet Léo, jusqu'à l'ambassade de France, c'est l'éclairage total. Mais entre l'ancienne présidence jusqu'à l'avenue Muyinga, c'est l'obscurité totale, tandis qu'une autre partie jusqu'à l'université du Burundi Campus Mutanga est éclairée. Nous avons pris la route appelée avenue de l'université où nous avons constaté qu'une partie n'est pas éclairée la nuit. Sur cette avenue, seul devant quelques hôtels comme Downtown, Rutegama, il y a la lumière et une partie du bâtiment Villa du Maire, alors que le reste de cette avenue se trouve dans l'obscurité au boulevard du peuple Murundi. Les poteaux électriques y sont érigés, mais ne fonctionnent pas. Ceux qui empruntent cette route hors de nos micros demandent l'éclairage. La décision d'éclairer différents coins et différentes routes de la ville de Bujumbura est une bonne initiative, mais que cela soit fait dans plusieurs localités de la ville de Bujumbura, cela permettra à la ville de Bujumbura d'être toujours propre et éclairée. Jean-Marie Mayonga, reportage réalisé la soirée de ce lundi. C'était avant 20h donc de ce lundi. Et les matériaux de construction composés de sable, pierres et graviers destinés à la réhabilitation donc à niveau acheminant les eaux sur la route goudronnée traversant la zone urbaine de Kinama perturbe la circulation sur le tronçon se trouvant entre la 10e et la 11e avenue. Et les habitants et ceux qui utilisent les usagers de cette route disent avoir peur des accidents. Et le point avec Omer Douaï. Ces matériaux de construction sont entassés dans la route. C'est sur le tronçon situé entre l'église Pentecôte et le lieu communément appelé main d'œuvre en zone Kinama, entre la 10e et 11e avenue du quartier Bururi, devant l'église dite Golgotha. Les habitants de cette localité et les usagers de cette route indiquent que ces matériaux ont été déposés par des personnes qui voulaient réhabiliter le caniveau d'évacuation des eaux détruits pendant la saison des pluies. Ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi rien n'a été fait alors que 3 mois viennent de s'écouler. Cela fait à peu près 3 mois que ces matériaux ont été déposés ici. La route est devenue trop étroite, la circulation est difficilement praticable suite à ces pierres, graviers et sables entassés ici. Depuis le dépôt de ces matériaux de construction ici, il y a environ 3 mois, c'est vrai. Moi, j'habite tout près d'ici. Lorsque ce caniveau est débordé, des maisons sont démolies. Cette situation est reconnue par l'administration à la base. Tomanya Bworo, l'un des élus locaux, estime qu'il serait beau d'autoriser la population à contribuer pour que ce lieu soit aménagé. Lors de la circulation, les voitures n'ont pas d'espace pour se laisser passage suite à ces pierres déposées dans la route. Quant au piéton, il est obligé de monter sur ces pierres en vue de laisser passage véhiculé pour ne pas se faire cogner. À défaut de la réalisation des travaux, on peut recourir à la contribution de la population à hauteur de 100 francs ou 1000 francs pour qu'au moins la réhabilitation ait lieu. Tous ensemble, demandent la réhabilitation de cet endroit avant qu'il ne se produise des accidents. Omer Andoua, parlons infrastructure encore une fois, 13h03 dans le studio de la radio Isanganiro. Dès le 1er juillet de cette année, il est interdit de construire des maisons en briques à daube en commune urbaine de Mukaza, annonce ce fait ce mardi par Renova Sindei Hebura, administrateur communal de Mukaza. Il indique que cette mesure ne concerne pas ceux qui avaient déjà des constructions en briques à daube. Renova Sindei Hebura ajoute que pour une bonne gestion des eaux usées, les propriétaires des maisons devront utiliser des puisards. On l'écoute au micro d'Yvette Nijimbere. Hier, il y avait une réunion du conseil communal ordinaire. Il y a eu étude de la mesure qui avait été proposée par moi en tant qu'administrateur communal qui concerne les constructions. Dans ce vaste programme de salubrité de notre commune, on a vu que le problème des constructions avec les briques adobe cause énormément de problèmes et freine le développement de notre commune. Nous avons présenté ce projet au niveau du conseil communal et le conseil communal a adopté cette mesure à l'unanimité qu'à partir de ce 1er juillet 2021, il n'y aura plus de construction avec les briques adobe. Mais nous avons délibéré, nous avons trouvé que il y a beaucoup de constructions avec les briques adobe qui ont été opérées dans le temps, dans le passé, et aujourd'hui on ne veut pas que ces maisons soient démolies, mais on veut interdire qu'à partir de cette date il n'y aura plus de nouvelles constructions. Il en est de même pour les gens qui avaient déjà débuté, qui étaient presque à la fin avec la construction de ces briques adobe. Ceux-là peuvent terminer leur construction, mais nous interdisons les nouvelles constructions qui pourront débuter avec ce mois de juillet. Également, le conseil communal a analysé en profondeur la question relative aux inondations et à la salubrité. On a vu que les inondations sont souvent à cause du fait qu'il y a eu élargissement des quartiers sans toutefois que les constructions qui ont été faites suivent le rythme. Et on a vu que également la population de notre commune n'est pas sensibilisée au niveau de la gestion des eaux usées qui se trouvent dans leur parcelle. Alors le conseil communal a pris la décision de demander à toute propriété de parcelle de notre commune d'utiliser le système de puisard. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h05 dans le studio de la radio Isanganiro, parlons droit de l'homme. À présent, les organisations de la société civile disent avoir bien accueilli l'appel de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, de travailler chacun selon la ligne de son plan d'action pour lequel il a reçu son agrément. Ils l'ont dit ce mardi au chef-lieu de la province Muramvya. C'est dans un atelier organisé par cette commission et les représentants de ces organisations trouvent que le statut A que recouvre la CNDH va augmenter les moyens de cette commission. Le point avec Arthur Kavaouchi. Dans cet atelier, ces représentants des organisations de la société civile sont appelés par la CNIDH de travailler chacun en respectant la ligne de son plan d'action. Serge Nsabimana, représentant légal du Centre de promotion des droits de l'homme, CDH en sigle, dit qu'ils accueillent bien cet appel. Et nous avons très bien accueilli l'appel. Parce que ça faisait beaucoup d'années, plus de 5 ans, qu'on demandait ça pour qu'on puisse chacun, dans ce qui le concerne, travailler dans le secteur dans lequel il a demandé l'agrément pour respecter les objectifs aussi de chaque organisation. Quant à Mouyabaga Veniste, représentant de l'association AFGC Bélina, et chaque association saura comment s'organiser. Maintenant, chaque association sait dans quel domaine elle intervient. Et comme ça, il y a une spécialisation, il n'y a pas mélange d'intervention. Mouyabaga Veniste indique également que le retour de la CNIDH au statut A va lui permettre d'augmenter les moyens notamment. Avec ce statut, les portes sont ouvertes et il y a aussi des droits de fait parce que commissions pareilles dans différents pays ont une structure de coopération. Ça veut dire que nous retrouvons la place qui était perdue. Maintenant, alors, nous retrouvons cette place et nous sommes contents. Nous sommes contents d'autant plus que la promotion des droits de l'homme va être améliorée parce que il en va de soi des moyens. Maintenant, la question des moyens, la question de connaissances, la question de collaboration entre différentes commissions n'est plus une question, c'est plutôt une réalité. Ces représentants des organisations de la société civile sont rassemblés au chef-lieu de la province Muramvya depuis ce lundi. Arthur Kavabouchi, Muramvya, Radio Isanganiro. Arthur Kavabouchi, la démographie galopante ainsi que les changements climatiques sont certaines des causes qui provoquent la faible production agricole au Burundi. Selon Deo Bedomfubusa, chef de cabinet au bureau du Premier ministre burundais, lors du lancement officiel ce mardi des concertations nationales sur les systèmes alimentaires. Le coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi indiquait que l'ONU va continuer à appuyer le Burundi via des projets de développement pour que les populations vulnérables puissent avoir une alimentation équilibrée. La recherche scientifique joue un rôle important dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Malheureusement, Juma Chabane, directeur de l'école doctorale à l'Université du Burundi, déplore certains défis auxquels fait face la production scientifique, notamment l'insuffisance de qualité et de quantité de ses publications. Lors de la deuxième édition du colloque scientifique en statistiques appliquées et informatique décisionnelle ce lundi, le directeur de l'école doctorale a précisé que cela freine les enseignants burundais à encadrer des thèses doctorales. Les détails avec Evestine Utoi. Lors de cette deuxième édition du colloque scientifique international en modélisation et en ingénierie de la statistique appliquée et informatique décisionnelle, organisé par l'Université du Burundi via l'Institut de la statistique appliquée, l'un des conférenciers et directeurs de l'école doctorale à l'Université du Burundi, Juma Chawani, indique que la recherche scientifique contribue à la mise en œuvre des objectifs de développement durable du pays, du fait qu'un thème de recherche est choisi en fonction de son apport à la mise en œuvre du plan national. Toutefois, Juma Chawani répertorie les défis auxquels fait face la production scientifique de l'Université du Burundi, dont la non-apparition des publications scientifiques des chercheurs burundais sur la scène internationale. Le nombre de productions à travers les publications scientifiques, à travers l'acquisition des brevets et autres, est très faible. Ça se reflète dans les indices internationaux qui classent la production scientifique. Le Burundi a le nombre de publications parmi les plus faibles d'Afrique. L'autre problème, c'est la qualité de ces publications. La qualité se mesure à travers le nombre de publications qui apparaissent dans des revues internationales qu'on appelle des revues indexées dans des bases de données internationales. Parmi nos collègues enseignants ici, il y a plusieurs collègues qui ont publié des articles mais qui n'apparaissent pas là-bas. Et à l'extérieur du pays, c'est comme si on n'a rien produit. Son directeur de l'école doctorale à l'Université du Burundi explique certains facteurs liés à cette situation, entre autres la limitation des activités de recherche. La recherche se fait principalement à travers les centres de recherche qui sont ici nouveaux, qui n'ont pas vraiment l'expertise et la capacité qu'il faut. Ça se fait aussi à travers le travail fait par les étudiants au niveau des masters, au niveau des doctorats. Les masters viennent de commencer et ces masters qu'on appelle masters de recherche qui devaient conduire à des publications n'arrivent pas à ces publications. Troisième raison, je crois importante, c'est que nous publions ici dans des revues qui sont des revues locales, qui ne sont reconnues nulle part. Par conséquent, Juma Chavani conclut que cela entraîne plusieurs difficultés, entre autres celle de freiner les enseignants burundais à encadrer des thèses doctorales. On ne peut pas entrer dans la collaboration avec des universités qui ont publié beaucoup avec une autre université où il n'y a rien qui apparaît dans les bases de données internationales. Quand vous voulez, par exemple, participer à l'encadrement des thèses des étudiants inscrits ici et inscrits ailleurs, ce qu'on appelle la cotitaire. Et parfois, nos collègues ne sont pas éligibles pour diriger des thèses dans ces universités-là et ça bloque le développement de l'école doctorale. C'est comme si l'étudiant fait seulement la thèse là-bas et pas à l'école doctorale ici. Ou c'est comme si il est inscrit ici, mais nos collègues n'apportent aucune contribution. Pour pallier ces défis, le directeur de l'école doctorale, Juma Chabani, suggère le changement de système de publication afin que celles produites par des chercheurs burundais puisse apparaître dans des revues internationales au lieu de rester au niveau local. Une brève de la province Ngozi avant de suivre la chronique santé de ce mardi. Les propriétaires des marais rizicoles débordés par l'eau à l'arrivée de la prochaine saison des pluies sont priés de labourer juste dans la première décade de juillet afin de récolter bon nombre de cultures avant cette saison des pluies appelées par le directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage en Ngozi. Emile Kubgimana demande aussi le semis en même temps pour les cultivateurs dans les marais qui désormais vont semer la même culture. Et cela permettra, selon le bureau provincial de l'élevage de l'environnement, agriculture et élevage en Ngozi, un bon encadrement par les moniteurs agricoles et agronomes et un bon encadrement dès le semis jusqu'à la récolte et conséquemment obtenir un bon rendement. Radio Isanganiro, chronique santé. La béance cardiaque se définit par un défaut de fermeture de l'orifice reliant l'œsophage à l'estomac, appelé cardia, selon Dr Caritas Nahimana, gastro-entérologue. Il explique que les personnes en situation de stress, les personnes en surpoids sont à risque de développer cette maladie et signale que cela est dû à plusieurs facteurs, dont la consommation des repas conséquents aux boissons gazeuses, le pyrosis étant l'un des symptômes. Les détails avec Ornella Mucho. La béance cardiale est une anomalie de l'ouverture du cardia, lequel est la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Docteur Caritas Nahimana, spécialiste de l'appareil digestif, précise que cette maladie se caractérise par différents symptômes, dont les brûlures d'estomac et les difficultés à avaler. Le contenu gastrique n'étant plus emprisonné dans la cavité gastrique, sans possibilité de reflux au niveau de l'œsophage, en situation physiologique, nous entrons dans la partie pathologique, donc de reflux acide au niveau de l'œsophage. Et donc les manifestations vont être celles de reflux gastro-œsophagien, à savoir le pyrosis, les régurgitations, dans les formes atypiques, les crises, je dirais, asthmatiformes, qui prend la forme d'un asthme bronchique ou une exacerbation d'un asthme bronchique qui était déjà connu. Ça peut aussi se manifester par des dysphagies, des douleurs angineuses et parfois des enrouements faisant orienter vers les différentes spécialités ORL, stomatologiques et même pneumologiques. L'une de ces causes principales est l'augmentation du volume de l'estomac suite à la prise de repas trop copieux ou de boissons gazeuses. Ce sont les situations d'étirement permanent autour de son muscle par le contenu gastrique énorme. Donc c'est le patient obèse qui prend beaucoup. Donc cette hyperpression abdominale entraîne par dans le mécanisme de formation de la béance cardiaque. Ce sont ces mécanismes d'attraction sur un muscle qui finit par lâcher et n'est plus contenu du tout. Et en conséquence, il y a ce cardiaque qui devient ouvert en permanence et donc favoriser les situations de reflux gastro-œsophagien. Les personnes en surpoids, les personnes en situation de stress, sont les plus à risque de développer la béance cardiaque. Ce sont les personnes en surpoids ou obèses. Ce sont les personnes qui sont également transitoirement ou éventuellement notamment en situation d'hyperpression abdominale, donc les états de grossesse. Et ce sont ces personnes qui, dans leurs habitudes alimentaires, aiment prendre de l'épicé, des boissons gazeuses, les alcooliques, les tabagiques. C'est également aussi les personnes en situation de stress pour différentes causes. Le traitement et la prévention contre la brillance cardiale, rendez-vous dans notre prochaine chronique santé. Merci Onela Mucho et à son invité. Point final donc à cette édition. Merci Alphonse Koubguimana qui assure la mise en onde. Et merci à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Moïse Misago qui assurait la réalisation de cette édition. Très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyang.